Est-ce que quand je serai grand, il y aura encore des abeilles? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser. En tant que navigatrice, je vois notre nature se dégrader et les espèces disparaître. Mais ensemble, nous pouvons encore rassurer Paul et des millions d'enfants. En faisant un leg au WWF, vous pouvez transmettre une planète vivante aux jeunes générations. Demandez votre brochure leg sur transmettre.wwf.fr ou appelez Camille Perrier au 01 73 60 40 40. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de Jacques Vasseur, un jeune homme ordinaire que des circonstances extraordinaires vont précipiter dans l'abject, l'impardonnable. Pendant l'occupation, il devient un collaborateur zélé de la Gestapo, dans l'ouest de la France. Et il est tenu pour responsable de 430 arrestations, 310 déportations et 230 morts, dont 53 exécutions sommaires entre 1943 et 1944. Pourtant, il n'est pas resté dans le who's who de l'horreur, moins connu que d'autres collabos comme Lafont ou Bonny, par exemple. Sauf dans la région d'Angers, où pour ses victimes, il est resté l'homme à l'arrêt au milieu. Condamné à mort deux fois, mais gracié par le général de Gaulle après la libération, il meurt tranquillement dans son lit en 2009, en Allemagne. Mais entre ses faits de collaboration et sa mort, il y aura eu cette planque incroyable. Il est resté caché 17 ans, terré dans le grenier de sa mère, comme un rat, de 1945 à 1962. Ce nom de Jacques Vasseur, nous l'avons déjà mentionné dans Affaires Sensibles du 23 octobre 2020, consacré à Noëlla Rouget, la déportée qui a fait gracier son bourreau. Eh bien, son bourreau, c'était lui. Et c'était la face A de cette histoire, avec la personnalité lumineuse de cette femme exceptionnelle. Aujourd'hui, vous allez découvrir la face B, la face sombre, avec cet homme, Jacques Vasseur, traître, tortionnaire et assassin. Notre invité aujourd'hui, Dominique Jamais, journaliste, bien sûr, et auteur du livre Un traître, publié en 2008, qui raconte précisément l'histoire de Jacques Vasseur. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Deschamps, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Lundi 18 octobre 1965. C'est un procès particulier qui s'ouvre à la Cour de Sûreté de Paris. Une juridiction créée deux ans plus tôt par le général de Gaulle pour juger les crimes de l'OS en Algérie. Mais en ce début d'automne, ce sont les crimes d'un collabo, Jacques Vasseur. Crimes commis dans l'ouest de l'Hexagone de 43 à 44 durant l'occupation, c'est lui qu'on juge. Et c'est sur son dossier que vont se pencher les trois magistrats et les deux militaires qui composent cette cour. Le principal chef d'inculpation retenu contre lui est lourd, le plus lourd qui soit, intelligence avec l'ennemi en temps de guerre. Autrement dit, haute trahison, très haute. L'audience débute ce 18 octobre 1965 par l'interrogatoire du traître. Celui que ses victimes ont coutume d'appeler l'homme à l'arrêt au milieu a changé. Il arbore à présent une fine moustache qu'il entretient avec soin. Cependant, petit et maigrichon, il a perdu toute prestance, mais pas sa morgue. Dans son compte-rendu du 20 octobre, le journaliste de quotidien Le Monde, Michel Legris, écrit « Un homme ayant choisi de vivre 17 ans reclus dans la maison de sa mère pour échapper à la justice représente un cas assez extraordinaire pour qu'on ait pu éprouver quelques curiosités envers la personnalité de ce Jacques Vasseur. » Les deux ou trois heures qui ont pu être consacrées à son interrogatoire ont suffi pour jeter des lumières sur l'individu et pour faire tomber son masque. L'ex-bourreau nie tout en bloc, déni classique des grands criminels pour se défausser des atrocités commises. Et il tente de se justifier, bien sûr. C'est pour échapper au service du travail obligatoire, le fameux STO, qu'il s'est fait embaucher comme interprète à la redoutable et redoutée police secrète nazie d'Angers. Mais la cour n'est pas dupe. Le STO n'a été instauré qu'en février 43, soit plusieurs mois après son entrée au SD, la Gestapo. De plus, les confortables émoluments qu'il va toucher, même réfugié en Allemagne jusqu'en mai 45, ne correspondent en rien au salaire d'un simple interprète. Mais alors, pourquoi un être humain bascule-t-il un jour du mauvais côté, quand d'autres continuent à se tenir droit en toutes circonstances? C'est bien la question qui se pose, inévitablement, en parcourant la biographie de Jacques Vasseur. Il naît le 9 octobre 1920 à Valenciennes, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Fils unique, il passe sa petite enfance dans le nord de la France. Puis ses parents s'installent à Angers au début des années 30, dans un quartier bourgeois de la ville. Son père est alors caissier principal à la Banque de France, et sa mère, Yvonne, comme il se doit à l'époque, femme au foyer. Le petit Jacques reçoit sans doute en ce début de XXe siècle une éducation, disons, classique. Un père colérique et autoritaire, qui ne montre guère ses sentiments, et qui exige de son fils qu'il refoule les siens, parce qu'un garçon, ça ne pleure pas si ça veut devenir un homme. En revanche, sa mère, à laquelle il est très attaché, reporte son affection sur son fils face à un mari distant et froid. Détail essentiel. Sa grand-mère maternelle est allemande. De ce fait, le petit Jacques passe chaque été ses vacances chez elle, près de Stuttgart, puis chez ses cousins en 36 et 37 après la mort de celle-ci. En grandissant, il devient le témoin direct des conséquences du traité de Versailles sur la vie quotidienne du peuple allemand, mis à genoux par les exigences de réparation française. C'est ce ressentiment profond qui a permis à un certain Adolf Hitler d'accéder au pouvoir le 30 janvier 1933. Intelligent et travailleur, Jacques Vasseur suit une scolarité brillante dans des écoles privées françaises. Bercé de culture allemande, il choisit tout naturellement la langue de Goethe dès son entrée en sixième. À l'époque où la plupart des jeunes gens s'arrêtent au sacro-saint certificat d'études, lui décroche à Lille un bac lettres. Puis en 1939, il entre dans la prestigieuse école des hautes études commerciales HEC à Paris. Son père rêve de le voir prendre sa suite à la Banque de France et pourquoi pas accéder à un poste haut placé. Toutefois, l'entrée en guerre de la France à l'automne 1939 bouleverse la vie du jeune étudiant. Français, je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. En juin 40, les bottes nazies piétinent la 12 ville d'Angers, qui devient alors le siège d'une commande en tour régionale et qui cherche des personnes parlant couramment l'allemand. C'est ainsi que Jacques Vasseur devient interprète au sein de l'officine au 12 rue Chevrel, dont les services sont débordés par les demandes administratives de la population locale. Une tâche dont il s'acquitte avec zèle. Et il peut ainsi nourrir cette germanophilie qu'il a chevillée au corps. Mais début octobre, son père, farouchement anti-allemand, lui, le renvoie à Paris finir à Chaussée qui vient de rouvrir. Vasseur en sort diplômé en juin 41, Champagne. Peu avant Noël de cette année-là, son père meurt des suites d'une mauvaise chute, laissant derrière lui le couple mère-fils. Respectant les vœux paternels, Jacques Vasseur postule à la Banque de France. Une lettre arrive le 15 mars 42. Mais le poste proposé est à Saint-Omer, dans le Nord. Après son mari, la mère refuse de perdre son fils. Jacques, qui ne fréquente pas de femme, pour ne pas faire de peine à maman, comme il le dira lors de son procès, accepte de rester auprès d'elle. Mais les postes haut placés sont rares en ces temps de guerre en Anjou. Après quelques mois de désœuvrement, le jeune diplômé a soudain une idée. Et s'il sollicitait la commande en tour? Une suggestion approuvée par sa mère et quelques proches, sympathisants voire adhérents du Parti franciste, un mouvement fasciste qui le fascine depuis ses années d'étudiant. Il retourne donc au 12 rue Chevreul, où il est fort bien accueilli. Mais les temps ont changé. Les habitants terrorisés par les exactions allemandes ne se rendent dans les sinistres locaux que lorsqu'ils y sont convoqués. Il est alors aiguillé vers le CIPO SD, installé à Angers depuis juin 1942. Cette officine nazie regroupe la police de sécurité et la police politique. Elle comporte 7 sections. La quatrième, celle où Vasseur va œuvrer, est chargée du renseignement et de la répression dans les territoires occupés, en clair, la traque des résistants. Et le terrain de jeu du jeune collabo est vaste, puisque, outre le Maine-et-Loire, il sévira également en Loire-Atlantique, dans la Sarthe, en Mayenne et jusqu'en Indre-et-Loire. Âgé d'à peine 21 ans, Vasseur fait alors la connaissance de celui qui va devenir, durant 2 ans, son mentor, voire un père de substitution, Hans Dietrich Ernst. Avocat avant la guerre, c'est le prototype du nazi élégant, cultivé et poli, ça existe. Mais en tant que commandant du SD d'Angers, il se montre autoritaire, glacial, brutal, sans pitié. Ce qui correspond beaucoup plus à la réalité de cette engeance beauté. D'emblée, il prévient Jacques qu'il participera à des interrogatoires avant de mener ses propres enquêtes et d'infiltrer la résistance. Bien. Vasseur accepte. Le salaire est confortable. Et Hans, lui, comprend très vite ce qu'il peut tirer de ce jeune adulte malléable, fasciné par Hitler. Il espère en faire un homme nouveau, implacable et dur avec l'ennemi. Au début, Vasseur ne fait qu'assister, stoïque, aux séances de torture. Tabassage, nerfs de bœuf, simulacre de noyade, oncle arraché, brûlure sur le corps entier. Très vite, il torture lui-même, y prenant manifestement plaisir. D'ailleurs, plus de 20 ans après, ses victimes se souviennent très bien de lui, comme le rapporte le journal d'interactualité du 19 octobre 1965. Ce valet des nazis, a dit l'un des témoins, nous cravachait sans même que les Allemands lui en aient donné l'ordre, il faisait du zèle, il agissait spontanément. De tous ces témoignages, il résulte donc que Vasseur n'était pas seulement un interprète, comme il voudrait le faire croire, mais un agent actif. Il dirigeait les interrogatoires des résistants, avec ce que tout cela comportait de torture et de coups. Il semble se montrer toutefois moins violent avec les femmes. Se souvient-il alors que sa mère en est une ? C'est aussi ce que déclare la résistante Noëlla Rouget, qui, arrêtée le 21 juin 1943 à 23 ans par qui vous savez, ne recevra, dit-elle, que quelques claques. Oh, une clémence toute relative, puisque Vasseur la fera déporter à Ravensbrück. Auparavant, elle devra affronter le visage tuméfié, méconnaissable de son fiancé avant qu'il ne soit exécuté. Noëlla Rouget, qui nous le verrons plus loin, va pourtant lui éviter la guillotine. L'apprenti tortionnaire apprend vite et il apprend bien. Et son chef, le capitaine Ernst, tient parole. Dès 1943, il lui confie la direction du service des agents auxiliaires français chargés de la répression des activités anti-allemandes pour le compte des Gestapo d'Angers et de Nantes. Pendant que son patron traque les juifs, Vasseur piste les résistants. Et il est maintenant à la tête d'une équipe de près de 80 Français, des petites frappes brutales, sans envergure, ni éducation, des minables en temps de paix, qui profitent de la tragédie de la guerre pour exister. Le paradoxe, c'est que ce profil ne correspond pas à celui de Vasseur, on l'a dit. Mais comme l'expliquera avec pertinence l'un de ses amis d'enfance à son procès, Vasseur confond l'amour de l'Allemagne de Goethe avec celui de l'Allemagne nazie. Et de fait, entre 1943 et 1944, il va démanteler beaucoup de réseaux de résistance. Sa méthode est aussi simple que machiavélique. Vasseur se présentait toujours en résistant, en réfractaire au service du travail obligatoire pour mieux s'introduire dans les cercles de résistants. Pendant un an, il a joué l'odieuse comédie. Puis un soir, il arriva en cachant des armes sous son imperméable. Le scénario était bien préparé, les agents de la Gestapo arrêtaient tout le groupe qui fut déporté en bloc. Même si le plus souvent ce sont des hommes de main qui menacent, tabassent et tuent ceux qui leur passent entre les mains, parfois Vasseur n'hésite pas à exécuter un résistant à bout portant, se cachant à peine. Une habitante de Châteaubriant raconte à la barre comment Vasseur a abattu son frère à coups de revolver derrière une meule de paille. Ce témoignage est confirmé par un ancien collaborateur des services de la Gestapo d'Angers. « Oui, dit-il, après la rafale, j'ai vu Vasseur revenir de derrière la meule de paille et il m'a dit « il n'y a que cela de vrai ». Devant tant de précisions, l'accusé ne sait que répondre « tout cela est vieux de 20 ans, je ne me souviens plus très bien ». Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la torture psychologique, celle qui épargne les corps mais détruit les âmes, à tout jamais. Ces exactions perverses vont jusqu'à effrayer certains de ses collègues allemands. C'est ainsi qu'il convainc, d'une voix douce, un enfant de 10 ans de dénoncer son papa, soi-disant pour le sauver, avant de l'arrêter, une fois les aveux du gamin obtenus. Et évidemment, le pauvre gosse comprend alors, mais trop tard, qu'il vient de livrer son père à ses bourreaux. Non, décidément, rien n'arrête Vasseur. En 1944, après le débarquement allié en Normandie, il met des bouchées doubles pour éliminer le plus possible de résistants, croyant encore aveuglément en la victoire du Führer. Mais le 4 août 1944, les dignitaires nazis comprennent que le vent est en train de tourner. Ernst, le sinistre patron du SD d'Angers, quitte alors précipitamment la France avec Vasseur dans ses bagages. Et ce dernier ne se préoccupe pas cette fois d'abandonner sa mère. Il veut avant tout sauver sa peau. Les autres gestapistes français d'Angers seront, eux, fusillés le 28 février 1945 dans la cour de la prison du Pré-Pigeon, la même où de nombreux résistants ont vécu tant de moments de souffrance entre les mains de Vasseur et de ses sbires. Une année finie, l'autre recommence. L'un après l'autre, les mois s'avancent, apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apprête à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. C'est la complainte des nazis, le crépuscule avant la nuit, qui met au cœur des Hitlériens l'âpre terreur du lendemain. Elle exprime par ses accents la sourde angoisse du châtiment. Dans la tempête et dans les caries, c'est la complainte des nazis. Dans la tempête et dans les caries, c'est la complainte des nazis. Miliciens, mouchards, tristes apôtres, cette complainte est également la vôtre. Vous les traites, les vendus, les vomis, vous les lâches, elle est la vôtre aussi. Tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme, votre horreur dernière. Collaborateurs, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Aujourd'hui, l'histoire de Jacques Vasseur. France Inter, Affaires sensibles. En juillet 1945, alors que l'Allemagne nazie défaite n'est plus que ruines et chaos, Vasseur rentre tant bien que mal en France sous l'identité de Jean Delpierre. Aux abois, le 25 juillet, il retourne discrètement chez sa mère. Chez qui d'autre pourrait-il se réfugier? Il vient de retrouver sa trace dans le nord, à la Madeleine-les-Lilles, près de la capitale nordiste, comme son nom l'indique. Désignée comme la mère du bourreau, Yvonne Vasseur s'est repliée dans sa ville natale, où elle a acheté une petite maison modeste. Une maison surveillée régulièrement par la police locale, persuadée que Vasseur peut s'y retrancher à tout moment. Car le voilà activement recherché, puisque condamné à mort par contumace le 11 septembre 1945 par la Cour de justice d'Angers. Alors une solution. Rejoindre la maison de sa mère, oui, mais cachée. Il va y passer 17 ans, cloîtré dans le grenier, en état de mort sociale. Il ne peut descendre à l'étage qu'une fois la nuit tombée et les volets clos, et encore, en marchant sur la pointe des pieds et en chuchotant pour ne pas être entendu des voisins. Alors, pour ne pas ressasser sa toute puissance perdue, sombrer dans la dépression ou pire, devenir fou, Vasseur étudie tous azimuts, la cosmogonie, les mathématiques. Il apprend 8 langues, dont le japonais et le sanskrit, traduit Tchekhov et Dostoïevski, mais l'histoire ne dit pas s'il s'agit de crimes et châtiments. Il rédige également une anthologie de 6000 proverbes de tous les pays. Il faut bien passer le temps, le tuer même. Yvonne, elle, doit sans arrêt gommer la présence de son fils dans son logis. Dehors, elle prend 1000 précautions en achetant par exemple les 2 steaks quotidiens dans 2 boucheries éloignées l'une de l'autre. Mais évidemment, au bout de 17 ans, la vigilance se relâche. Et c'est ainsi que le 10 novembre 62, Yvonne sort pour faire une course et elle oublie de fermer la porte à clé. Fatale étourderie. 2 gendarmes qui surveillent de loin en loin la maison voient soudain, stupéfaits, une ombre masculine glisser derrière une fenêtre. Ils entrent alors dans la cuisine. « C'est toi, maman ?» demande machinalement le reclus, se dénonçant lui-même et mettant du coup un terme au mystère de sa disparition. Vasseur a tout juste 42 ans, le teint rendu blafard par les haleines claustration. Il se laisse arrêter sans protester, sans doute à demi soulagé de mettre fin à sa réclusion, tout en sachant qu'une autre l'attend en prison et qu'il va devoir rendre des comptes à la justice et sûrement y laisser sa tête. Son procès débute, comme on l'a vu, le 18 octobre 1965, mais il n'en est pas, et de loin, la figure centrale. Comme le rapporte Michel Legris pour Le Monde, le 20 octobre. Dès la première audience, il est apparu que le procès prendrait une toute autre dimension. Ce sont les combattants du peuple de la nuit, les fantômes squelettiques évanouis derrière les barbelés de Buchenwald ou de Dachau, dont on a senti la présence dans le prétoire au moment de l'appel des témoins. Durant l'instruction, de nombreuses victimes sont confrontées à leur ancien bourreau. Et parfois, cela se passe mal. Comme l'a rencontré en 2005 l'ancien résistant Maurice Letoy dans Chronique d'une ville occupée, Saumur, un documentaire réalisé par Fernando Gomez-Monroy. Quand on a su que Vasseur était retrouvé, on a été convoqué d'abord à Paris, ensuite en Rennes, où j'ai été confronté avec Vasseur. Et c'était une confrontation plutôt musclée qu'il y a eu. Parce que ma sœur, au bout d'un moment, les instructions lui demandent « Voilà, monsieur Letoy, ma sœur, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ?» etc. Il ne me répondait pas. Puis trois minutes après, il n'avait pas encore répondu. Et puis au bout d'un moment, je dis au juge d'instruction « Est-ce que c'est possible que je lui pose une question ?» etc. On dit « Oui, oui, d'accord. » Et je lui pose la question, tu ne me reconnais pas, je m'appelle Maurice Letoy, tu es venu m'arrêter à Neuilly, etc. Alors il s'est permis de dire, monsieur le juge d'instruction, je vous fais remarquer que monsieur Letoy me tutoie. Je ne tutoyais plus, après j'étais rentré de l'autre côté du bureau et je lui mettais une paire de claques qui, s'il a une bonne mémoire, il s'en rappelle encore. Pour nous, c'est un criminel. D'emblée, les psychiatres qui l'ont examiné le déclarent responsable de ses actes. Toutefois, le 22 octobre, le psychiatre Boitel émet l'hypothèse, aujourd'hui quelque peu dépassée, d'une mère dévoratrice et castratrice. Puis il évoque les liens entre l'inconscient et la petite violence et de domination qui, selon les époques, s'assouvit de manière différente. Autant de verbiage médical qui n'explique rien. Vasseur aurait été trop aimé par sa mère, en oubliant au passage son père. Froid, distant. Ajoutons que la violence de l'expertise psychiatrique culpabilise Yvonne Vasseur à tel point que le 23 octobre, elle s'écrie à la barre « Mais punissez-moi, c'est moi la coupable !» Où est la mère autoritaire décrite par l'expert psychiatre Boitel ? Mais passons aux faits. Ils sont évoqués en détail durant 15 jours, entre le 21 octobre et le 4 novembre 65, où pas moins de 190 témoins défilent à la barre. Des témoins qui reconnaissent sans peine le sinistre bourreau d'Angers. Dans son compte-rendu du 21 octobre pour Le Monde, le journaliste Michel Legris écrit « Tous les témoignages concordent pour établir le rôle d'agent provocateur, de policier au service du SD et de tortionnaire de Jacques Vasseur. » Face aux faits accablants, l'accusé prétend ne plus se souvenir, répétant inlassablement « Je ne pense pas avoir participé à cette arrestation », ajoutant parfois cyniquement « En toute franchise ». Comme le rapporte à nouvelle le journal d'interactualité du 19 octobre 65. Vasseur, lui, semble avoir la mémoire courte et bien souvent, il feint de ne pas se souvenir. Ainsi, un témoin déclare avoir été battu et Vasseur le maintenait. L'inculpé répond « J'ai assisté à des sévices, mais je n'y ai pas participé ». Alors le président Romerio questionne « Tenir quelqu'un pendant qu'on le bat, comment appelez-vous cela ?» et Vasseur de répondre avec arrogance « Une simple assistance passive ». Tout le personnage est dépeint dans cette réponse. Mais quand le tribunal égrène la longue liste des maquis et des réseaux de résistants détruits par le traître, ou quand les exactions décrites dignement par les témoins sont irréfutables, il concède, dédaigneux, « Oui, il est possible que je me sois trouvé à tel endroit à ce moment-là, mais alors c'était en simple observateur. » « Observateur de quoi ?» demande alors Mordant, le président de la cour. Osant tout, il tente même de jouer les âmes sensibles. « Oh, je partais lorsqu'on torturait les personnes arrêtées. » Je déteste toutes ces scènes de violence. Je ne restais que lorsque je ne pouvais pas faire autrement. Avant la clôture des débats, il fait une ultime déclaration, soufflée sans doute par ses avocats, durant laquelle il s'adonne à un étrange mea culpa, tout en continuant de nier l'évidence. Après avoir entendu les explications de mes avocats, j'admets que ma volonté a été paralysée. Je ne m'étais encore jamais senti coupable. J'admets avoir été amené à faire des choses que je n'aurais pas dû faire, Mais je vous jure, sur la tête de ma mère, que je n'ai jamais tué personne. J'ai toujours été respectueux du premier commandement. Et je mourrai s'il le faut dans ce sentiment. Depuis 18 ans, j'ai considérablement changé. J'ai ouvert les yeux sur mon passé. Je me suis détesté pour ce que j'ai fait. Mon cœur a changé car, malgré les apparences, j'ai un cœur qui me dicte des remords que je vous exprime publiquement. Des remords très tardifs, mais aucun mot d'excuse. Non, il ne manifeste pas de compassion pour les victimes présentes dans l'enceinte du tribunal, pas plus que pour celles qu'il a froidement exécutées ou fait déporter. Puis c'est l'heure du réquisitoire. L'avocat général est implacable. Comment pouvait-il en être autrement face à la monstruosité des crimes de Vasseur ? Alors il demande, sans détour, la peine capitale, comme le relate Interactualité du 5 novembre 65. Il a d'abord écarté tour à tour les arguments que l'on pourrait évoquer en faveur d'un pardon. Il faut prononcer une sentence qui est une grande répercussion, a dit l'avocat général, en dépit de l'éloignement des faits. Certains pourront dire que le Vasseur d'aujourd'hui n'est plus le même, que les crimes sont anciens, mais leurs conséquences subsistent. Les survivants souffrent encore dans leur chair et dans leur cœur. Dire qu'il est trop tard serait montrer une lassitude, une véritable lâcheté morale. Le temps révolu ne s'oppose nullement à l'œuvre de justice. L'avocat général a poursuivi, il faut prononcer une sentence à la mesure de ces actes monstrueux. Les patriotes qui furent torturés par Vasseur ont pleinement assumé leur sacrifice, à son tour d'assumer le sien. Enfin, après avoir dit que Vasseur avait trahi spontanément, en toute liberté, l'avocat général a conclu qu'il n'y a pas de pardon possible. Vasseur est pleinement responsable, il a tourmenté, il a voulu avilir, dégrader, il a voulu tuer l'esprit, tout cela mérite la mort. Et sans surprise, la Cour de Sûreté de l'État le condamne à mort, effectivement, le 6 novembre 65, pour intelligence avec l'ennemi, sans aucune circonstance atténuante. Précision du célèbre chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher. Au prononcé de cet arrêt, Vasseur n'a pas scié. Auparavant, lorsque le président Romerio lui avait demandé s'il avait quelque chose à ajouter pour sa défense, Vasseur avait répondu en substance « Oui, monsieur le président ». « J'ai vécu au temps du malheur. Je reconnais que j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. J'ai des remords. Je vous prie de le croire, monsieur le président. En tout cas, vous pouvez vous le demander à mes camarades de captivité et aussi à ma mère ce que j'ai fait pour eux. » Et voilà, Vasseur est un homme vraiment étrange, presque aussi insensible qu'Eichmann à l'évocation de crimes épouvantables. Mais il faut croire qu'il y a un bon génie pour les salauds. Noëlla Rouget, l'une de ses victimes dont nous vous avons parlé plus tôt, une catholique fervente qui a témoigné au procès, plaide sa grâce avant le verdict auprès du président de la Cour de Sûreté de l'État. Les horreurs vécues sous le régime concentrationnaire m'ont sensibilisé à jamais à tout ce qui peut porter atteinte à l'intégrité tant physique que morale de l'homme. J'ai rejoint les rangs de ceux qui pensent que s'il faut combattre l'erreur, nous n'avons pas pour autant le droit de disposer de la vie de celui qui a erré. Il faut lutter contre la maladie et non tuer le malade. En un mot, je suis de celles et ceux qui font campagne pour l'abolition de la peine de mort. Vasseur mort, nous serions vengés, certes, mais notre cause d'hier n'en sortirait pas grandie et nous nous sentirions moins bonne conscience pour accuser nos bourreaux d'autrefois, devenus bourreaux nous-mêmes, fût-ce par procuration. Et puis, si l'on veut bien y réfléchir, d'un côté, nos milliers de morts, nos souffrances. De l'autre, la mort de Vasseur. Cela ne fera jamais le poids. Mais le président du tribunal, comme ses deux autres collègues magistrats et deux militaires, reste sourd à la supplique de Noëlla Rouget. Cette dernière ne se décourage pas. Le 14 janvier 66, elle adresse une lettre au président de la République, Charles de Gaulle. Monsieur le Président, la sentence que je redoutais fut prononcée. Depuis lors, Vasseur a signé son pourvoi en cassation. Sachant qu'il est possible que cette cassation soit refusée et qu'alors le sort du condamné serait entre vos mains, il me semble devoir, si je veux être logique avec moi-même, vous présenter cette requête. Parce que je crois en Dieu, en qui je reconnais le seul maître absolu de la vie et de la mort. Parce que je crois en mon pays, à son esprit humanitaire qui l'amènera bientôt, j'espère, par une réforme législative à abolir la peine de mort. Parce que je crois en vous, général, que j'ai suivi avec élan il y a 20 ans dans les rangs de la résistance. et aussi peut-être au nom de la grande affaire qui me lie à votre nièce Geneviève. Je vous supplie, Monsieur le Président de la République, d'user le cas échéant de votre droit de grâce en faveur de Jacques Vasseur. De Gaulle accepte alors de commuer la condamnation à mort de Vasseur en réclusion à perpétuité. Puis Georges Pompidou réduit sa peine à 20 ans au nom de la réconciliation franco-allemande et à la demande une nouvelle fois de Noël à Rouget. Une peine que Vasseur effectue à la prison de Fresnes, puis à la centrale de Melun. Noël à Rouget, qui veut encore croire à une rédemption possible, lui écrit régulièrement en prison, espérant ranimer une étincelle d'humanité chez son bourreau. Mais en vain. Celui qui a fait vivre l'enfer de Ravensbrück à Noëlla en la déportant et dont elle est ressortie 14 mois plus tard comme une mort vivante de 32 kilos, a l'indécence de se plaindre auprès d'elle de ses conditions de détention. Ce reportage de France 2 du 25 septembre 2019, avec notamment l'analyse de l'historienne Brigitte Exaquet-Monnier, en témoigne. Chaque fois, elle essaie de lui insuffler du courage. Alors quand Vasseur se plaint de ses conditions de détention à la prison de Melun, nous vivons comme ces arbres poussant au bord d'un canal mort, boueux, sur lequel jamais rien ne passe. Alors elle répond, c'est quand même incroyable cette conversation entre ces deux. Dans votre lettre du 27 août 68, vous vous compariez à des arbres poussant au bord d'un canal boueux. J'ai eu aussi cette impression 2 années de ma vie. Et sur ce canal, contre toute attente, a soufflé un jour un grand vent, celui de la libération. Depuis lors, des hommes et des femmes rencontrés sur mon chemin m'ont fait oublier la boue du canal. En 1974, contre toute attente, il se marie en prison avec Johanna, une bibliothécaire allemande, bien sûr. À sa sortie de prison en 83, sans surprise, Vasseur demande la nationalité allemande et part vivre avec sa femme à Heidelberg dans son cher Bade-Württemberg. Il ne fera plus jamais parler de lui et ne reviendra jamais en France. Il cesse également d'écrire à celle qui a sauvé sa tête. Vasseur meurt le 7 février 2009 à 88 ans sans descendance. En 2014, le journaliste de Ouest-France, Benoît Robert, a la confirmation de son décès en se rendant sur place. Aller en Allemagne, c'était pour répondre à cette question qui était sur les lèvres de beaucoup de familles de victimes. Était-il vraiment encore en vie? Si c'était le cas, il aurait eu 94 ans, donc en 2014. Il s'avère, on a pu le vérifier à la mairie d'Heidelberg où il habitait plutôt avec sa femme, qu'il avait connue en prison, donc il était décédé, le 7 février 2009. La preuve en est apportée. Au cimetière, l'urne de l'ancien collabo repose tout près du carré juif, mais aussi non loin de la tombe d'Albert Speer, ministre nazi des armements de la production de guerre. Ça ne s'invente pas. Make some room for the afterlife. Golden gates, a happy wife. Nothing compares to the sound of a violin. Great destroyer, you plant the seed. Living guilt in the loser's grief, but nothing compares to the sound of that violence. No, nothing compares to the sound of that. Still, the getting's easy, so have your fill. Well, nothing compares to the sound of your violin. Ain't it funny how the years days go by. Nothing changing long as we're alive, but nothing compares to the sound of our falling snow. Nothing compares to the France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Jacques Vasseur, collaborateur. Notre invité, Dominique Jamais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, évidemment, vous avez beaucoup lu, beaucoup vous ont lu dans le quotidien de Paris. Et vous êtes l'auteur du livre qui raconte cette histoire. Il s'appelle Un traître, il est sorti en 2008. Alors, on a dû vous poser mille fois la question, je sais, mais ça m'interpelle. Pourquoi avez-vous choisi la formule du roman et de raconter Jacques Vasseur sous un autre nom? Écoutez, l'histoire de Jacques Vasseur qui m'a intéressé dès son procès trottait dans ma tête et un jour j'ai eu l'idée d'en faire un livre. Et le projet de départ était de rencontrer Jacques Vasseur, réfugié à Heidelberg, et de le faire parler, si j'ose dire, de le laisser s'expliquer. Et puis, malgré une tentative à Heidelberg, c'est motus et bouche-cousue, il n'avait aucune envie de parler de lui. Et donc, j'ai voulu parler de ce cas pour le moins singulier, sans risquer des procès, des contestations, en me permettant de lui prêter, sur la base de son dossier bien sûr, des sentiments, une pensée, une cohérence que peut-être il aurait contesté ou qu'on aurait contesté. Donc si vous voulez, les grands traits de l'histoire sont bien ceux de l'histoire de Jacques Vasseur. Telle ou telle réplique, tel ou tel sentiment que je lui prête à tel ou tel moment, c'est de l'invention, c'est de la fiction. D'accord. Donc on a soufflé un peu de fiction dans le dans réel. Dans une histoire vraie. Oui. Dans une histoire vraie qui, dès le départ... Hélas vraie. Hélas vraie, qui, dès le départ, m'avait intéressé. Voici pourquoi. Oui, ce que vous avez dit, c'était une histoire particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, mais, justement? Un premier point. Journaliste, et jeune journaliste à l'époque, au Figaro littéraire, j'avais entendu parler de ce procès. On était en 1965. De Gaulle allait se présenter à la présidence de la République. Absolument. Il avait, deux ans auparavant, scellé la réconciliation de l'Allemagne et de la France avec la fameuse visite d'Adenauer chez nous, en France. Et ce procès, qui était présenté et perçu alors comme le dernier procès de ce qu'on avait appelé l'épuration était une curiosité, quelque chose de singulier déjà, d'extraordinaire par lui-même, car à l'époque, on croyait que c'était fini, l'épuration. Les juridictions d'exception avaient été dissoutes. Et on ne savait pas, à l'époque, je ne le savais pas, personne ne le savait, qu'il y aurait cette deuxième vague étonnante et même stupéfiante, basée sur l'imprescriptibilité de certains crimes, qui allait relancer, je ne sais, ça n'est plus l'épuration, mais la punition, la sanction, le châtiment. En tout cas, ce n'est pas l'impunité, quoi. Comment ? Ça n'est plus l'épuration, mais ce n'est toujours pas l'impunité. La signification qui fut alors prêtée au procès de Jacques Vasseur, c'est la liquidation. Après, c'est terminé. Donc, si vous voulez, basé sur deux raisons, on avait l'impression d'avoir épuré tout ce qu'il fallait épurer. Et puis, probablement, même certainement, la notion vieille comme le monde de la prescription l'emportait sur la notion nouvelle parue depuis et justifiée par l'extraordinaireté de la guerre et de ses événements, d'imprescriptibilité de certains crimes. Mmh. Donc, si vous voulez, j'y suis allé par curiosité pour voir celui qui m'est apparu dès le départ et qui m'est apparu à l'audience comme un fantôme surgissant du passé. Alors, avec son trench coat bien serré à la ceinture, comme les gestapistes, avec la petite moustache à la Hitler qu'il se faisait pousser, il avait l'air vraiment de sortir de sa boîte tel qu'il était en 1944-45. Et c'est lors du procès que j'ai appris les circonstances singulières qui ont entouré ensuite sa vie. Oui, bah, le grenier notamment. On en reparlera, le grenier notamment. Et si vous voulez, dernier mot, l'impression d'irréalité, d'anachronisme du procès était à mes yeux tout à fait accentuée par un fait curieux et parfaitement compréhensible. Je veux dire que Vasseur avait interrogé, incarcéré, envoyé à la déportation et à la mort des centaines de personnages. La plupart d'entre eux n'étaient pas revenus. Donc, ceux, les témoins qui intervenaient au procès, étaient des témoins au nom de leur mort, au nom de la justice. C'était des femmes, des fils, des filles qui n'avaient pas vu ce qui s'était passé et qui, naturellement, assoiffés légitimement de vengeance, ne le regardaient même pas pour dire « oui, je le reconnais, oui, c'est bien lui », etc. Et il y a eu cet épisode entre le comique et le scandaleux lors des audiences du procès. Une jeune femme accusait précisément Vasseur d'avoir torturé son... ou non, autant pour moi, d'avoir giflé, d'avoir malmené son père lors d'une intervention policière en juillet 44. Ah bon, ça faisait partie des violences, des brutalités de Vasseur, mais ça n'avait rien d'étonnant d'ailleurs. Vasseur se lève... apparemment, sincèrement indigné dans son box et dit à peu près littéralement ceci « Non, madame, vous mentez, je n'étais pas à jouer les tours le 15 juillet 44 pour gifler votre père. J'étais au pont de C en train de torturer quelqu'un d'autre. » D'accord. D'accord. On voit le personnage. Curieux, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que, selon vous, c'est sa germanophilie qui l'a fait verser dans cette horreur, ou est-ce qu'il avait des idées politiques qui collaient bien avec les idées d'Hitler ? Ou les deux ? Pourquoi me suis-je intéressé à cette affaire ? On va y venir tout à l'heure avec les 18 ans passés, par les 17 ans passés... dans le grenier. Chez sa mère, par Vasseur. Mais si vous voulez, ce qui m'a saisi dès le départ, je ne perds pas de vue votre question... Ce qui m'a intéressé, impressionné dès le départ, c'est un cas typique du télescopage entre la grande histoire et une petite histoire, entre de grands événements et un sale petit bonhomme. Je m'explique, c'était la démonstration exemplaire de quelque chose qui est connu en principe et qu'on ferait bien de méditer par les temps qui courent aujourd'hui. La guerre révèle les gens. Elle les fait sortir d'eux-mêmes. C'est en temps de guerre, c'est lorsqu'il y a un drame aussi épouvantable et fait de multiples petits drames qu'est la guerre, que surgissent les héros, Honoré d'Estienne d'Orve ou Jean Moulin, et les traîtres. Et les salauds, ou les traîtres, appelez ça comme vous voulez, les Touviers, ou les Vasseurs. Donc, il y avait cela. Et, d'autre part, ce qui m'a intéressé, et là on est dans la psychologie et dans l'histoire, à cheval entre les deux, c'est ce qui tient à la personne, on en reparlera peut-être, et ce qui tient aux circonstances. Madame Giraud, je crois, qui a eu le prix Goncourt cette année, a fait un roman basé sur les si. Si j'avais pas prêté la moto à mon beau-frère, si ça n'avait pas été mon beau-frère, s'il avait fait beau ce jour-là, si, etc., mon mari ne serait pas mort. Eh bien, c'est évident avec Vasseur, à tout moment on peut se demander, pour commencer par le commencement, si la France n'avait pas été battue en 40, oui, ça compte. Bien sûr. Si son père n'était pas mort, si sa mère n'avait pas joué un rôle décisif dans cette affaire, car le destin de Jacques Vasseur destin médiocre, entre médiocre et moyen, paraissait fixé d'avance. Banque il avait de fait, France. Vous l'avez rappelé, père de la Banque de France, ouais. HEC. On lui propose, il est jeune, il a 22 ans à ce moment-là, on lui propose un poste de direction d'agence dans le Nord. La logique, la normale, aurait voulu qu'il y aille. Et c'est sa mère, personne d'autre. Elle a raison au procès lorsqu'elle dit « c'est moi que vous devriez juger », d'une certaine manière. C'est sa mère qui lui dit « le Nord, je ne supporte pas, j'en viens, il pleut tout le temps, c'est moche, il y a des bombardements, je t'en prie, je t'en supplie ». Elle se met à pleurer, elle se jette à ses genoux « ne pars pas, ne pars pas, moi je veux rester à Angers, et puisque je veux rester à Angers, tu restes aussi à Angers ». Et Vasseur, sous l'influence de sa mère, commet là l'erreur qui va déclencher l'engrenage fatal. Et deuxième point, si vous me permettez, sont les engrenages. Si sa grand-mère n'avait pas été allemande, s'il n'avait pas été bilingue, car vous avez omis, on ne peut pas tout dire. J'ai sélectionné. On ne peut pas tout dire. Voilà. Vous avez omis quelque chose de très intéressant. Bilingue, parfaitement bilingue, Jacques Vasseur est prié par ses voisins, par les autorités municipales d'Angers, par le curé de sa paroisse, de rendre service. Jacques, on sait que tu parles allemand parfaitement bien. Il y a tellement de drames, tellement de gens qui veulent passer de la zone occupée à la zone non occupée, qui ont des problèmes de culture, de transport, d'autorisation, d'Ausweis, etc., etc. Est-ce que tu voudrais bien accepter d'être interprète ? La première incarnation de Jacques Vasseur en tant qu'interprète non rétribué, c'est plutôt pour rendre service aux gens. Ouais. Très différent de la deuxième incarnation. Mais bien sûr. Et ce qui renvoie d'ailleurs à ce que je disais en début de récit, l'histoire d'un jeune homme ordinaire que des circonstances extraordinaires vont précipiter dans l'abject. L'impardonnable. On se retrouve dans deux minutes, Dominique Jamais, après avoir écouté Sharon Moneten, Never Gonna Change. Inter. Affaires sensibles. Dominique Jamais, l'affaire Jacques Vasseur apparaît vraiment comme un cold case. Voilà, c'est fini, mais pas tant que ça. il se trouve que deux ans après avoir écrit et publié ce livre romançant la vie de Jacques Vasseur, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ancien de l'Algérie française. un officier français qui avait partagé pendant quelque temps la captivité de Vasseur mm-hmm. à la centrale de Melun où il était bibliothécaire, vous l'avez rappelé. Et bien que je n'ai pas eu la possibilité de sonder les ténèbres de la conscience de Jacques Vasseur, j'ai eu là une information que je ne possédais pas au moment où j'ai écrit le livre et qui éclaire ce personnage. Un petit Français, un jeune Français, un Français moyen qui dérive, qui glisse, etc., etc., et qui devient l'abominable tortionnaire que vous évoquiez. Dans la promiscuité de la prison, Jacques Vasseur, purgeant sa peine, ramené à 20 ans par Georges Pompidou, a dit à ce détenu de l'Algérie française, dont il était devenu familier ou ami, « J'ai fait l'hypocrite devant le tribunal, mais je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Je suis toujours nazi, moi !» Ah et oui, c'est, et ça oui. c'est un fait nouveau, oui. Bah, comme vous dites. Et puis ça éclaire, le personnage. Ça éclaire beaucoup. J'en reste sans voix. Et de la même manière, je ne sais pas si vous vous rappelez, que lorsque Paul Touvier, oui. le milicien de Lyon, bien sûr. A été caché dans un monastère. Dans une suite de monastères. Une suite de monastères. Lorsqu'il a comparu devant une juridiction normale, un fait accablant pour lui a été révélé lors des audiences. On avait saisi dans sa cellule un album, une espèce de journal intime, où apparaissait également sa nostalgie de la belle époque où il avait été, comme Vasseur, un personnage tout puissant et l'auteur de ses crimes. Alors qu'à l'audience, il jouait naturellement le repentant, mais je n'ai rien fait, et d'ailleurs, le peu que j'ai fait, c'était pour faire du bien, et puis d'ailleurs, j'aurais tellement aimé aider la résistance, etc. Bien et bien Vasseur était de la même sorte, de la même trempe. Intéressant, et pardon, et deuxième chose, alors dont je parle dans le livre, et qui est tout à fait révélatrice, lorsqu'il fuit Paris, lorsqu'il fuit Angers, puis la France, en septembre 44. C'est un épisode que vous n'avez pas mentionné, qui est quand même prodigieux. Il est emmené dans ses bagages, vous l'avez dit, par son chef allemand d'Angers. Et le peu de temps qu'il passe en Lorraine, avant que les Allemands évacuent définitivement le territoire français, ou en tout cas la Lorraine, l'Alsace est plus tard, il trouve le moyen de se faire passer dans les Vosges pour un résistant, pour entrer en contact avec les maquis locaux, et même en fuite, vous voyez quel excellent policier c'était devenu, même en fuite, même séjournant seulement quelques jours ou quelques semaines près de Nancy, il arrive à contacter un maquis, à gagner la confiance des résistants, et à en faire arrêter un certain nombre. Alors quand on écrit sur ce monstre, ce que vous dites c'est un monstre, bon, quand on écrit et qu'on se dit bon derrière le monstre, il y a quand même, en tout cas organiquement, un être humain. Bien sûr. On est sur la ligne rouge, ça va pas être facile, non? Comment vous avez géré ça? Écoutez, je crois qu'on n'a plus le temps de... Il reste 2 minutes 30. C'est ce que j'appelle, 3 minutes 30. Bon, c'est ce que j'appelle les engrenages. On est interprète des Allemands pour rendre service aux Français, on se lie avec les Allemands. Quand on est interprète des Allemands en 40, les gens trouvent ça normal, ça rend service. Lorsqu'on devient interprète rétribué des Allemands en 42, on dit qu'ils travaillent non pas avec les Allemands, mais pour les Allemands. Mmh. Et lorsqu'on travaille pour les Allemands en 42, on participe aux interrogatoires et on y prend goût. Et on y prend goût d'autant plus que comme on travaille pour les Allemands comme personne rétribuée, on est boudé, puis dénoncé, puis haï par l'ensemble des gens qui vous entourent à Angers. Et à ce moment-là, on s'endurcit dans son personnage, d'autant plus qu'on est doté à 22 ans de la toute-puissance. Hein ? Et on devient non seulement le collaborateur des Allemands, mais un collaborateur singulièrement zélé, un policier, un tortionnaire, un meurtrier. Oui, quand vous écrivez, alors pour le coup, vous cherchez pas la part d'humanité, c'est vous ne jugez pas non plus, mais non, vous dites non, les choses telles qu'elles sont. Les tribunaux ont jugé Vasseur. Notez que il est intéressant quand même, bien sûr, l'intervention de Noël Arouget. Je trouve très intéressant politiquement que De Gaulle lui-même ait gracié ce sinistre personnage. C'était une façon très claire de dire « Pour moi, c'est fini. » Assez, quoi. Voilà. Pour moi, c'est fini. Puis, oui. Le grenier, quand même. Ah oui, alors parce ça, que c'est quand même spectaculaire. Oui. 17 ans dans un grenier. Oui, mais c'est pour ça que j'aurais aimé interviewer pendant 10 jours Jacques Vasseur, car on sait parfaitement ce qu'il a fait se réfugier chez sa mère. C'est la crainte des procès, la crainte des tribunaux, la crainte de la mort. En juin 44, il aurait été lynché. En août 45, il aurait été condamné à mort et fusillé. Là, il s'est réfugié chez sa mère pour y vivre une vie littéralement de rat. Une vie où il ne sort pas pendant 17 ans, où il est en tête à tête avec cette femme pendant 17 ans. Que s'est-il passé entre eux? Sur quelle base? Je ne le sais pas. C'est une énigme. Et, vous l'avez dit, c'est très clair, lorsque les gendarmes entrent chez lui dans le courant de l'année 1962, il n'essaie pas une seconde de résister, de nier, etc. Il était soulagé de quitter cet enfermement qui devait ressembler singulièrement à l'enfer. Dominique Jamais, ce sera le dernier mot. Et je vous remercie infiniment pour tous les éclairages que vous avez apportés, et surtout les compléments d'histoire. Merci. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Itinéraire, ma collabo, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.